Vous êtes à l'écoute de CFRH 88.1-106.7. C'est l'émission Canrock 25 ans. Nous sommes en direct de la salle Roland Desroches ici à Penetangouchene. Il y a plusieurs gens ici dans le public. Si vous êtes dans la région, venez faire un tour. On est rendu à l'Acadie. L'Acadie, bien sûr, c'était le prochain niveau à aller chercher. On m'avait donné une piste comme quoi que l'Acadie avait beaucoup de bons produits francophones. Et je suis tombé par hasard sur le contact de Carole Doucet. À l'époque, elle était la seule à faire des relations de presse pour les artistes acadiens. Elle était au cœur de ce monde magnifique-là. Elle a été ma porte d'entrée vers un monde fascinant. Elle fut la première grande expansion qui amena Canrock à un autre niveau. Donc, on va écouter une pièce justement d'un artiste de l'époque, un artiste qui nous a quittés malheureusement, Denis Richard. On va écouter tout simplement Petit Rocher, après quoi je vous présente mon entretien avec Carole Doucet des disques Le Grenier. Qu'à vieillir, quand la pluie sera trop mouillée et quand le soleil m'aura brûlé assez, je m'en irai dans des voyages où y a pas de soleil et pas de nuages. Mais là, le soleil est beau, les nuages sont aux oiseaux, j'entends les couleurs chanter ce que les fleurs voudraient me canter. Oh, et puis je m'en vais, oh, à Petit Rocher. Au pied d'une roche à Petit Rocher. Ok, ma beau jet, take it. L'encre coule sur ma page comme les vagues sur la plage, et les mots glissent dans mes refrains comme du sable dedans mes mains. Et je tiens la mer entre mes pieds, au pied d'une roche à Petit Rocher. Et comme on regarde jouer les enfants, moi je regarde les goélands qui dansent une ritournelle en se tenant par les ailes. Et ils jouent toute la journée, au pied d'une roche à Petit Rocher. Et je vais me ramasser des bouts de bois, le soleil est déjà mort. Je vais me faire un beau petit feu, moi ça me fait briller les yeux. Et je rêve toute la soirée, au pied d'une roche à Petit Rocher. Ok, tout le monde, la chorale. Na na la la ta, na na la la ta, na na la la ta, na na la la ta, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Au pied d'une roche à Petit Rocher. Aujourd'hui j'écris tout ça et je suis loin de là-bas. Mais si j'y étais resté, j'en aurais même pas parlé. Non, et je serais à m'ennuyer au pied d'une roche à Petit Rocher. Mais là le soleil est beau, les nuages sont aux oiseaux, j'entends les couleurs chanter ce que les fleurs voudraient me conter. Oh, et puis je m'en vais à Petit Rocher. Au pied d'une roche à Petit Rocher. Ok, tout le monde, on chante. La na la la ta, la na la la ta, la na la la ta, la na la la ta, et vous va. Oh, oh, yeah. Au pied d'une roche à Petit Rocher. Dernière fois. La na la la ta, la na la la ta, la na la la ta, la na la la ta. D'une roche à Petit Rocher. Lorsque j'ai pris la décision d'élargir le cadre de Canrock, un des premiers contacts que j'ai fait en Acadie, eh bien, c'est avec Carole Doucet, qui à l'époque était relationniste de presse. Aujourd'hui, elle est directrice générale de la maison de disques Le Grenier Musique. Bonjour, Carole. Bonjour, Marc. Donc, c'est bel et bien ça. Tu diriges cette boîte de cette maison de disques acadienne, là. Oui, c'est ça. C'est une agence d'artistes. On travaille avec une douzaine d'artistes acadiens, principalement du Nouveau-Brunswick, mais de la Nouvelle-Écosse aussi et de l'île du Prince-Édouard, et un groupe de la Gaspésie. Et puis, donc, c'est une agence de booking, de spectacles, de production de spectacles, de gérance, puis c'est aussi un label. Donc, on produit des disques. Mais à l'époque où ce que Canrock a commencé, 94-95, est-ce que le réseautage de l'industrie musicale acadienne était bien établi? Oui, quand même, parce qu'il y avait quand même déjà, à ce moment-là, Distribution Plage, et il y avait, qui est vraiment un joueur clé là, dans l'industrie de la musique chez nous, bien sûr, puis qui est toujours là depuis toutes ces années. Il y avait aussi la Francofête en Acadie, qui aussi est vraiment un apport important au développement des carrières des artistes, autant au Canada qu'à l'international. Donc, en 94, on était déjà un peu dans la game, mais c'est sûr que ça a beaucoup, beaucoup évolué à partir, je dirais, de 99, où on a eu le sommet de la francophonie et où on a commencé une stratégie internationale de développement des artistes qui s'appelle aujourd'hui la SPASI, la stratégie de développement international des artistes acadiens. Et puis, c'est de là qu'a parti un peu la notoriété, je dirais, des artistes acadiens actuels. Et à quel point les radios communautaires de l'époque ont joué un certain rôle pour diffuser justement cette musique acadienne-là? Oh, les radios communautaires sont un des piliers de base de la musique acadienne. Puis ça a commencé avec, tu sais, au Congrès mondial acadien de 94, c'est la même époque où CJSE a été fondée à CEDEC. Puis CJSE a été vraiment, et encore aujourd'hui, un joueur important pour nous dans l'industrie de la musique parce que c'est une radio qui a une très grande cote d'écoute. C'est sûr que c'est surtout un style particulier de musique qui est plutôt country, mais quand même, ça a représenté beaucoup d'artistes de l'époque qui étaient plus dans le traditionnel à ce moment-là et dans le country. Maintenant, la musique a beaucoup changé. Il y a encore des groupes traditionnels, des groupes country, il y en a plein, mais on a vraiment des artistes reconnus dans tous les genres, que ce soit jazz, rock, pop, et folk, etc., etc. Donc, qui sont peut-être moins aptes à jouer à ces JSE, mais tout le réseau des radios de l'Arcan chez nous... est tellement, tellement important. Je travaille dans des festivals aussi où on a les radios communautaires qui sont là, derrière les festivals, pour faire plein d'émissions en direct. À Caraquet, par exemple, où je suis souvent, on a trois radios communautaires qui font plein d'émissions live. Donc, c'est vraiment très, très important. Et qu'est-ce qui a amené le besoin ou le but de créer le Grenier Musique? Est-ce qu'il y avait un manque comme tel? Quelle bonne question. En fait, moi, j'ai commencé mon agence en 2000, donc il y a 19 ans. C'est 19 ans que je travaille à mon propre compte. Et c'est vraiment venu après le sommet de la francophonie. Parce que vraiment, pour beaucoup d'entre nous qui sont des travailleurs de l'industrie culturelle, je pense que le sommet de 99 a changé pas mal de choses parce que, par exemple, moi, j'étais à ce moment-là professeur à l'Université de Moncton, puis j'ai été prêté par l'Université à la province du Nouveau-Brunswick au ministère des Affaires intérieures pour gérer les relations de presse du sommet. Et c'était la première expérience de relations de presse dans un gros événement. Ça en était un gros et on avait 850 journalistes. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu la piqûre parce que j'aidais souvent des amis à faire leur lancement de disques, leur lancement de films, de livres et tout ça. Mais là, ça m'a vraiment donné la piqûre de travailler dans des événements. Et puis, donc, j'ai commencé j'ai quitté l'Université de Moncton, puis là, j'ai commencé mon entreprise en relation de presse. Et puis, ça a mené, si tu veux, à la gérance d'artistes, parce que pendant 5 ans, je m'occupais de promotion d'artistes. Donc, je faisais leur lancement de disques, surtout, par exemple, et des festivals aussi. Et puis là, les artistes ont commencé à me dire, c'est bien beau, la promo, mais nous, on a besoin de gérants, on a besoin d'agents, de booking, parce qu'il y en avait très, très, très peu. Oui. Et c'est comme ça que ça a évolué à partir de 2006. Donc, j'ai commencé en 2000. En 2006, là, j'ai commencé à faire de la gérance. C'est à partir de ce moment-là que... Et ça a évolué, évidemment, gérance et booking de spectacle. Et puis, un peu plus tard, quelques années plus tard, ça a évolué vers le label, parce que ça aussi, c'est une demande qui venait des artistes. Merci beaucoup de votre temps, Mme Carole Doucet, directrice générale de la maison de disques Le Grenier Musique. Merci de votre participation et merci d'avoir fait tout ce beau travail pour les artistes acadiens. Mais merci à vous. Merci pour tout votre beau travail. Félicitations pour votre anniversaire. Chez un ami ou dans un bar, ça l'aurait fait longtemps et je ne saurais plus comment t'aborder, par où recommencer, plus doux, plus fort, déguster ou rattraper le retard. Ah ah, en faire un sport. Je te j'ai fait le matin, je regrette. Je perds toujours mes moyens quand tu tombes entre mes mains. Je te bois et je tombe dans les bras de la première personne qui me l'étendra encore une fois. Je te donne mon corps, tu pars avec ma tête. Ça recommence encore, je sais pas où ça l'arrête. Mais le matin je regrette, qu'est-ce que j'ai fait. Le matin je regrette. De ta sève, de ton sacrement qui me coûte si cher, en argent, en estime, en mal de tête, en déprime. Car je te En 2006, j'ai eu l'opportunité d'aller lancer CHQC-FM 105.7, la radio communautaire de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Donc, j'amenais l'aventure Canrock ailleurs, à un autre niveau. Et dans cette ville portuaire du Nouveau-Brunswick, eh bien, il y avait un nouveau défi qui m'a amené à croiser les gens de la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick, la FJFNB, qui parrainait un concours merveilleux qui s'appelle Accro de la chanson, qui, cette année, en est à sa 16e édition. Eh bien, en 2005, c'était la première édition. Et ce concours-là, ce qui est merveilleux, c'est que ça incite les jeunes à faire de la musique en français dans les écoles du Nouveau-Brunswick, les écoles secondaires. Donc, la majorité des artistes qui sont présents aujourd'hui en Acadie ont probablement passé par Accro de la chanson, qui était parrainé par la FJFNB. Et il y a plusieurs chargés de projet qui se sont occupés de ce concours-là, dont Geneviève Dupuis, que j'ai eu la chance de m'entretenir le mois dernier. Voici mon entretien avec la FJFNB. Parlons maintenant avec Geneviève Dupuis, agente de projet culturel au sein de la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick, la FJFNB. Bonjour Geneviève. Bonjour. Je voulais savoir, dans le mouvement du 25e anniversaire de Canrock, je parle des différentes partenaires qui m'ont suivi tout au long de cette belle expérience-là. Il y a Accro de la chanson, qui est un concours de chansons au Nouveau-Brunswick. Quel fut le besoin qui a amené la création de ce concours-là, Accro de la chanson? En fait, c'est ça, le début du concours, c'est vraiment à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick que ça a commencé. Donc, c'est une fédération où on fait des projets qui sont par et pour les jeunes. Donc, ce sont les jeunes qui ont eu cette idée-là en 2003 pendant une assemblée générale annuelle. Donc, en 2003, on est à l'époque où Wilfred Leboutillier était à Star Academy. Et là, les jeunes ont vu que ça se passait au Nouveau-Brunswick, ont vu que ça se passait en français. Et c'est vraiment ça qui leur a donné l'idée de vouloir avoir un espace pour faire de la musique en français à leur image, de la musique qui allait être cool. En fait, ils voulaient avoir une bataille musicale, puis une place pour pouvoir s'exprimer en français, puis que la musique soit à leur image et cool pour eux. Donc, c'est ça, c'est en 2003 qu'ils ont pris cette décision-là. Puis, en 2005, le concours est finalement né. C'est pas juste un tour de chant comme tel, là. Vous prenez la peine vraiment d'encadrer ces jeunes-là. Oui, c'est ça. Depuis le début du concours, Accro est vraiment une école de formation. C'est-à-dire qu'on propose des ateliers qui sont participatifs. On veut créer des situations qui sont très proches de celles que les musiciennes et les musiciens professionnels vivent. Donc, on s'entoure d'une équipe de pros pour vraiment outiller les participantes, les participants. Donc, ça part de comment faire une bonne prise de son, comment prendre sa place sur scène. On a des ateliers de voix, d'écriture, de composition de chansons. On a aussi un atelier classique qui revient à chaque année sur l'industrie musicale au Nouveau-Brunswick puis au Canada. Donc, on explique comment s'outiller comme musicien, comment demander ses redevances, si on a un album, si on joue des spectacles, comment faire des contrats, ce genre de choses-là. Parce qu'à la fin du concours, c'est sûr que les gagnants gagnent des beaux prix. Ils vont avoir des vitrines puis des spectacles partout au Nouveau-Brunswick. Donc, on veut s'assurer qu'ils sont outillés pour bien participer à ça aussi quand ils vont sortir du concours. Ce que j'ai remarqué au fil des années, parce que au fil des années, j'ai supporté ce concours-là, c'est que des participants de année 2, 3, 4 sont maintenant des formateurs de 14, 15 et peut-être même 16. Donc, il y a des artistes qui sont passés par là qui redonnent aux jeunes d'aujourd'hui, là. Oui, c'est ça, absolument. On a des gens qui sont passés par le concours qui sont bien connus aujourd'hui. On pense à Lisa Leblanc, Caroline Savoie, Jean-Marc Couture, Pierre Guitard. On a les membres du groupe Les Hey Babies qui, elles, ont participé en solo au concours puis ont formé leur groupe après. Mmh. C'est ça. Plus récemment, on a aussi des artistes émergents qui sont connus ici, qui se promènent cet été en Europe puis au Canada, dont Chloé Brault, Matt Boudreau, Simon Daniel. Donc ça, c'est aussi des noms que nous, on connaît très bien au Nouveau-Brunswick. Puis c'est effectivement des gens qui reviennent donner des ateliers dans les écoles avec nous. Donc on boucle la boucle comme ça et ça nous fait plaisir de les recevoir en tant que formateurs dans nos ateliers.